C'est fou! 89. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 21 au 27 novembre 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Allô Tania, ça fait deux semaines qu'on s'est pas vu. Ben oui, c'est vrai. Oui, à la semaine passée, c'était une rediffusion. Oui. On n'a pas eu d'émission la semaine du 14 novembre. Maintenant, on est de retour pour la semaine du 21 novembre, mais ça va pas bien mieux. On est tous les deux enrhumés, fait qu'on ouais, parle pas beaucoup. Non, exact. On va juste pas mal entendre de musique. La semaine passée, comme on n'a pas fait jouer les nouvelles entrées, on va pouvoir les découvrir ce soir. Donc, on va faire un genre de spécial 2 dans 1. Mm-hmm. Pas mal, les palmarès. On a plusieurs nouvelles entrées pour cette édition-ci, c'est-à-dire... Colin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 nouvelles entrées. Incroyable. Mm-hmm. Plus tard, en anglophone, il y aura Cry, Tunes, The Hidden Cameras, Groenland, Dearly Beloved, ainsi que The Pretty Reckless. Et du côté francophone, eh bien, on va avoir... On a créé un monstre et les Dells... Howard Chuck. Le numéro 1 de la semaine passée, c'était en anglophone, Dutchess 16 avec I Repeat Myself. Et du côté francophone, c'était Chocolat avec En Moins. Oh, ben Colin. Plus tard dans l'émission, on va aussi avoir la section Ailleurs dans les palmarès. Toi, tu nous as préparé une petite chronique de nouveautés musicales. Ben certainement, c'est l'huile de palmarès, comme... Quand Tania a le temps de le faire. Ben oui, de temps en temps. C'est une chronique qui est récurrente. Ben oui, exactement. Cette semaine, C'est fou présente un spectacle à thématique rap québécois. Hip-hop. L'Ostitour, exactement, qui va être présenté ici au 10-12 cette semaine, jeudi. Jeudi le 24. Exactement, jeudi le 24 novembre. Alors, j'ai décidé de vous faire un spécial rap québécois cet après-midi. Génial, c'est en saut dans l'huile de palmarès. On a aussi deux blocs spéciaux de Palmarès in Peace pour se rattraper pour la semaine passée. Donc, on a quand même un gros plan, mais moins de blabla de notre part pour pas se faire trop mal à la gorge. Hein? C'est vrai. Bon, on va commencer par les nouvelles entrées en 20e place. En anglophone, c'est The Pretty Reckless avec l'album Who You Selling For et la pièce Oh My God. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Désastre de les Dells Howicker. Check! Au pas mal, c'est fou! 89 FM. Entrée. Mmh. 19. Nouvelle entrée. Tried to Leave par Dearly Beloved sur l'album Admission. Ça, c'est un groupe de rock and roll garage punk psych, selon eux-mêmes. Oui, d'accord. Ouais, ils viennent de Toronto, en Ontario. Et leur biographie, c'est du chaos, calmé par l'amour et livré avec une grande furie. Rien moins. Et leurs influences, Bruce Lee. Bruce Lee. Et Nikola Tesla, entre autres. On adore ça. Tout juste avant ça, on a entendu la 19e francophone. On a créé un monstre. Avec Rencontre Surprise, on avait déjà eu le premier album qui était Iceberg en 2010. Excellent. Après ça, on a eu en 2013 La Dérive. Ça, c'est le tout nouveau EP, en fait, qui s'appelle Insectarium. Il y a un certain nombre de concerts qui vont découler de ça. Il y a eu deux nouveaux EP en 2016. La première partie, c'était Théâtre des catastrophes. Mais c'est excellent, Insectarium. Et si jamais vous voulez avoir tous les détails pour les prochains spectacles, allez sur leur page Facebook. Génial, c'est un de mes groupes préférés, j'adore ça. Avant ça, en 20e place anglophone, c'était The Pardon. Ne t'étouffe pas, Mathieu, ne t'étouffe pas. Ça fait mal de parler. The Pretty Reckless avec Oh My God sur l'album Who You Selling For, qui est un groupe américain de rock alternatif créé en 2009 par Taylor Momsen. On en parlait à l'Assemblage Rocky ce matin. Oui. C'est la fille de Gossip Girl. C'est composé de Ben Phillips à la guitare, Mark Damon à la bass, Jamie Perkin à la batterie et Taylor Momsen au chant et à la guitare. Et du côté francophone, on a entendu Désastre du groupe Les Dells, Howie Chuck. C'est un groupe qui a déjà fait beaucoup de musique dans le monde du rock, mais on a décidé de retourner aux sources en 2016, d'y aller pour du gros rock qui bouge, parce que leur dernier album était quand même plus slow motion que ça. Pop. Et oui, exactement, eux autres le disent eux-mêmes, on veut y aller pour quelque chose de beaucoup plus lourd cette année. Alors c'est comme ça qu'ils nous ont offert Désastre. Ils font bien, c'est comme ça qu'on les réaccueille dans les palmarès. Maintenant, on saute par-dessus une trollée de franco, mais on en parlera plus tard, parce qu'on va rester en anglophone. On va faire deux blocs séparés. Commençons par un bloc des 16, 17, 18. En fait, 18, 17, 16, hein? Oui. Plus tard, il y aura Toons ainsi que The Hidden Cameras. Mais on va commencer avec Groenland et Times of Survival. C'est dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Oui. So tired, I let sleep, yeah, got both eyes. Now what you lose is what you gain. A clean slate for the will and intention. Cut it down to the chase. Well, sound aiming right at my face. I'm weak and easily wounded. These are our times for survival, yeah. I sleep between you and me. I grieve my need to carry your feelings. Only time will tell if I'm getting being well, and nothing matters more than taking cover from another shit storm. Pushing you to find a reason, only knows that you're ready to explore. And ego only grows from the wounds you ignore. Nothing matters more than taking cover from another shit storm. Place. Woke up Nouvelle entrée. Avec Mind Your Manners, deuxième extrait de l'album Tunes, le précédent qui était Mind Your Manners, avant ça c'était Mind Over Matter, voilà. Tu vois deux pièces qui se ressemblent le même titre similaire. Avant ça, on a entendu en 17e position de Hidden Cameras avec The Day I Left Home sur l'album Home on Native Land. On a débuté avec la 18e qui est Groenland avec Times of Survival sur l'album Wider Space. Et pendant ce temps, on a sauté par-dessus les 18e, 17e et 16e francophones. Alors, on a sauté par-dessus Émile Bilodeau avec J'en ai plein mon casse, La Féline avec Trophée et Gazeline avec Ne m'oublie pas. Ouais. On va faire la même chose pour le prochain bloc, c'est-à-dire entendre seulement de l'anglophone. Plus tard, il y aura We Are Wolves, mais on débute en 15e place anglo. Avec Bones de Croy. Oh, encore une nouvelle pièce de Croy? Ben oui! Incroyable, hein? Incroyable! Ouais. Les bonnes marées, c'est fou. C'est 80 de fin. Ouais, ça ressemble à ça. Thank you.

C'était We Are Wolves avec I Don't Mind. Nouvelle entrée de leur album Wrong, c'est le deuxième extrait. Leur précédent extrait, c'était Au revoir les crapules. On se rappelle de cette chanson-là. Avant ça, on a entendu Bones de Croy. Exactement! Exactement! Ben voyons donc! Ben oui! Ben oui! Tiens, la raison pour laquelle j'étais déconcentré, autre que nos rhumes respectifs, oui. Tania, et passer toutes les chansons à éternuer, à tousser, exactement, et moucher. Perdre le fil de tout ce qu'on fait. Une belle période de temps, mais c'est pas grave, on a pour compenser deux montages Palmer Rest in Peace cette fois-ci. Oui. La semaine passée, on n'était pas là, donc on a deux blocs à s'entendre. On va entendre, pour commencer, le bloc de la période du 14... Non, 12. Du 12. Qu'est-ce que j'ai écrit là, moi? Ah oui, c'est ça. C'est 12 au 25 septembre. Non, c'est pas ça par contre. Ben oui, c'est ça. Un peu, non, c'est 12 septembre au 16 octobre. Voilà. 12 septembre au 16 octobre. Qu'on s'en va entendre en premier. Oui. Oui. Oui. Oui, c'est ça? Oui, oui. Okay, t'as écrit septembre, mais... Ouais, c'est ça, c'est... j'ai fait ça ben vite. Bref, c'est Palmer, rest in peace. Just mountains of change. Ces pièces qu'ils ont quittées, voilà vraiment longtemps. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Si c'était la fin du monde, je ne bougerais pas plus que ça. Yeah. rapport humain est compliqué. Même avec moi-même, j'ai des problèmes. Et dire qu'on était une goutte de sperme, plus fort que les autres gouttes de sperme. Et dire qu'on était une goutte de sperme. Depuis la période du 12 septembre au 16 octobre 2016. On a commencé tout ça par le premier bloc, en fait, avec de Limi, Nianas et El Beach qui est resté au palmarès pendant 6 semaines. Ensuite, la bronze s'est envolée avec Monarch qui a duré 6 semaines. Artifice Palace est resté entre tes mains ou au palmarès, en fait, pendant 4 semaines. Ensuite, Crabe s'est fait emporter par la vague avec Déjà bientôt la lumière qui a duré 6 semaines. Rouge Pompier et le VHS c'est resté là pendant 6 semaines. Counterfeit Jeans s'est fait pogner parce que c'est des jeans contrefaits. Avec No Desire qui a duré 3 semaines. White Horse et My Babe est resté au palmarès pendant 5 semaines. Dear Who fait retourner en enfer avec The Devil and His Narcotic Kick, j'ai tout à la misère à dire celui-là. Serious Retinue qui a duré 4 semaines. King Gizzards and the Lizard Wizard avec People Vultures est resté là pendant 7 semaines. Ça, c'était les pièces de la semaine du 12 au 25 septembre. Ensuite, pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre, on a entendu Bleu Toucan avec Anna Café qui a duré 5 semaines. Chantal Archambault et Corps étranger est resté là pendant 6 semaines. Michelot et Des gens comme moi avec 6 semaines. L'Indice et Cécile, une pièce qu'on trouvait quand même assez parfois agressante, est restée là pendant 6 semaines. Catherine, lui, m'énerve au plus haut point avec ses histoires de sperme, la pièce compliquée qui a duré 6 semaines. Heaven for Real avec Kill Your Memory qui est restée simplement pendant 3 semaines, une pièce qu'on aimait beaucoup. Oui, Daniel Romano s'est fait ramper avec Valerie Leon qui a duré 5 semaines. Weaves et Candy est restée là pendant 5 semaines. Black Mountain a atteint le sommet avec Constellations qui a duré 6 semaines. Et Supermoon avec Witching Hour est restée là aussi pendant 6 semaines. On a poursuivi avec la semaine du 3 au 9 octobre 2016. Hypnolove s'est noyé dans la piscine avec 5 semaines. Les Indiens ont été sauvages avec leurs pièces sauvages qui sont restées là pendant 7 semaines. Holy Fox s'est fait baptiser, je sais pas, avec Tom Tom qui a duré 7 semaines. Andy Schulf et The Magician est resté là pendant 7 semaines. Ensuite, c'était la semaine du 10 au 16 octobre 2016. Peter a éteint la lumière avec Eden Noir qui a duré 7 semaines. Fred Fortin a fait quelque chose qui fait très très bien. Il l'a gratté avec sa pièce gratte qui est restée là pendant 6 semaines. Les passagers s'est fait sacré dans le char avec Te Retrouver qui a duré 6 semaines. Jay Horner et Crystal Ball restés au palmarès pendant 6 semaines. Mm-hmm. Et Pop... Et Pop... Non, Mathieu. A déféqué. Oui, oui. Oh! Pop, poop, pop, poop. Oh, avec DVP qui a duré 7 semaines. Ça, c'était donc pour la période du 12 septembre, oui, au 16 octobre, parce qu'on était extrêmement en retard. La dernière fois qu'on a fait Palmarès in Peace, on avait résumé les mois de mars oui. à août, jusqu'à début septembre. Là, on fait de septembre à octobre. Il va nous rester plus tard dans l'émission du 17 octobre au 13 novembre. Et là, on va être presque à jour. Ça va être le fun. Tu sais, à une chronique par mois depuis 2 mois. Mm-hmm. Bonne moyenne quand même. Ouais, ouais, quand même. Okay, quand même. Bref, voilà, retrouvez-nous en deuxième heure de l'émission pour le deuxième bloc. Maintenant, on retourne dans nos palmarès. Il nous reste à peine de temps pour aller entendre les positions numéro 13. Donc, du côté anglophone, ce sera Bear Mountain avec Hopeful qui monte d'une place. Et du côté francophone, ce sera Samedi soir à la violence de Claude Pelgag. Au palmarès, c'est fou! Au 89 FM. J'entends souvent cette voix. Celle qui habite en toi. Éclats de rire figés par le froid. Il me blesse maintenant que tu ne te souviens plus comment. tragic. La semaine passée, Monomyth et Aloha, qui montent de 8 places sur l'album Happy Pop Family. Et tout juste avant ça, on a entendu la 13e francophone, qui était samedi soir à la violence de Clopelgag. Avant ça, en 12e anglophone, on a sauté par-dessus Royal Canoe et Bicycle. Nouvelle entrée de la semaine passée aussi, on va devoir la réécouter bientôt. Ça monte de 8 places. Et on a entendu aussi du côté... On a sauté la 12e franco aussi. Oui, t'as bien raison, on a sauté par-dessus KNLO, tabac indien. Oui, voilà. Et on a entendu avant ça en anglophone et francophone, donc en anglo c'était Bear Mountain qui a monté d'une place avec Hopeful en 13e. Mm-hmm. Et en français, on a entendu la 13e aussi. Oui, c'est ça, Clopelgag. Tu l'as dit? Oui. Tu l'as dit au début? Je te jure. Ah, c'est parce que je l'ai pas dit dans là. Ah, oui. Au début, t'aurais dû dire Medicayenne qu'on a sauté la 11e avec la pluie. T'as bien raison. C'est pas grave. C'est la fin de la première heure. On se retrouve dans quelques instants pour une deuxième heure, la portion top 10. On va aussi avoir la deuxième heure, Huile de palmarès. Oui. Le segment musical de découverte de Tania. Dans la deuxième heure, du palmarès, c'est fou. Tout ça, c'est fou 89 ans. Ah, ouh! Ah. l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. C'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 21 au 27 novembre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, c'est la portion top 10 de l'émission. On va entendre donc les pièces 10 à 6, en gros, le plus ou moins, ainsi que faire la chronique à 8000 Palmarès. C'est pour ceux qui ne suivent pas, c'est la chronique où on passe des nouvelles nouveautés. Et on se découvre les découvertes. Exactement. Avec Tania Tantan-Baudin. Oui. Donc, commençons par les numéros 10. En anglophone, c'est Pop, avec Can't Win, qui monte de 3 places sur l'album The Dream Is Over. Ou, comme tu l'as appelé tantôt, Boop. Du côté francophone, on va aller écouter Balmoral avec Vertige. Colin, ils ont enlevé ça, je pense, les Balmoral. C'est rendu oui, hein? Balle éthique. Balle masquée. Non, non, franchement. Quoi? Outrage. Outrage. S'est effondré, écrire ton nom et t'offrir une carte est détachée. Tu liras jusqu'au bout, le parcours est dévoilé. Monter l'étage pour choisir un rêve ou bien la clé. Nous éclairons la tour, resterons les cœurs brisés. Tourner tout bord, tout côté, la bague est s'engager. Nous partirons un jour, gravirons l'adversité. Dispersons le doute, rapiaçons le temps passé. Poursuivre la route sans détour, l'attente est terminée. Nous acquiesçons l'amour, détournons l'hostilité. Montez l'étage pour choisir un rêve ou bien la clé. Nous éclairons la tour, restaurons les cœurs brisés. Tournez tout bord, tout côté, la bague est s'engager. Nous partirons un jour, gravirons l'adversité. Je te prie,

personal. Try new things, like maybe I should let my feelings show. Said than done par le Jessica Stewart Few. Ça monte d'une place sur l'album The Passage. Et du côté francophone, eh bien, c'était Vertige Balmoral. Mais avant ça, oui, avant ça oui, on a entendu Antoine Corriveau avec Rendez-vous. En 10e place anglophone, c'était Pop avec Can't Win qui monte de 3 places. Et comme je viens de le dire, eh bien, en 10e francophone, on a entendu Vertige de Balmoral. Voilà, t'es habitué d'aller vers l'avant, mais on va vers l'arrière. Oui, c'est ça. Honnêtement, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de palmarès que là, j'oublie. C'est un très bon point, en fait, parce qu'au début de l'émission, j'ai dit qu'on avait été absent la semaine passée. C'est pas vrai. C'est vrai qu'on était les deux pas là. Mais l'autre semaine d'avant, c'était seulement moi. Exactement. Et t'étais pas là. Oui, parce que je suis en train de me faire arracher les parties de ma bouche. Oui, de ta bouche, oui. Oui, ça avait la louche pendant Je sais, hein, je suis désolée. J'ai pas voulu créer de malaise. tu t'es trompé de falloper? Je sais pas, c'est pas drôle. Position numéro... C'est pas drôle du tout! Aucunement. Position numéro 8 du côté anglophone, c'est Lisa Leblanc qui est stable avec Ace of Spades. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Lydia Kepinski avec Apprendre à mentir. Dans les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Les détails sur ta vie. Mm-hmm. Je pourrais te dire de peu d'en faire, ils vont revenir. Mais je sais. for fools, but that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. Spades par les ailes blancs, position numéro 8, stable, on a le fun. Et du côté francophone, eh bien, c'était Lydia Kepinski avec Apprendre à mentir. Un petit bloc de deux, on n'a pas fait beaucoup jusqu'à ben maintenant. Ben non, parce que... on n'a pas de voix. C'est ça. Puis on a plein de contenu. Aussi. Bon, hein? On va justement faire un autre bloc de deux avant de passer à ta chronique Huile de palmarès. Certainement. Donc, les positions numéro 7 en anglophone, ce sera Adalea avec Looking Back qui descend de deux places. Et du côté francophone, la septième va être Juste Robert avec L'Embâcle. That's it. C'est comme ça que ça se passe. You're ring au pied de l'escalier. You're ring au yon déboulé. La roche mère sous sa maison s'effrite. La roche mère sous sa maison. Près de l'aube rivière. Et il y a ta vie. Et près de l'aubrière. Il y a. Il y a ton corps. Inutile de frayer. Le ruisseau est à rebours. Inutile de frayer. Le portage est un détour. Thank you. écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. 89. Et Looking Back descend de deux places en 7e position anglophone, c'est sur son maxi Adalea. Et du côté francophone, eh bien, c'était juste Robert avec Lambac. Mm-hmm. C'est fun, pendant les 30 dernières secondes de la chanson, mes oreilles ont débouché. Ah, ça, c'est plaisant. C'est comme beaucoup trop fort. Mais oui, je sais. C'est ça, un rhume. C'est ça. Ouais. Bref, hey, ça nous amène à claquer des mains. Ah oui? Oui, oui, parce que c'est le moment de Huile de palmarès. Oh! Tous ensemble. de parle. Arrête. OK, c'est le nouveau slogan. Je sais parce pas. Parce qu'on n'avait pas encore de slogan pour ça. On n'a jamais chanté dessus, j'avoue. Mais moi, ça me vient de seul. Ben oui, c'est vrai, t'as bien raison. Donc, Huile de palmarès, c'est la chronique dans laquelle Tania nous découvre des chansons. En fait, comme on le dit tantôt, nous découvre les découvertes et nous présente de nouvelles nouveautés. Exactement. Bien, en fait, aujourd'hui, j'ai comme décidé de faire un spécial Lost Tourne. Vous inquiétez pas. Wow, la vulgarité. Exactement. Là. J'essaie pas d'être vulgaire à la radio. En fait, c'est la tournée qui comprend À la claire ensemble, Corias et Brown, qui va être présent ici à Trois-Rivières jeudi le 24 novembre. Oui. Donc, ce jeudi, ça se passe au 10-12. Tout juste à côté de notre station de radio. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire connaître à nos auditeurs les gens qui vont être ici, peut-être justement pour vous titiller un petit peu l'envie de venir ce jeudi, ou tout simplement pour vous faire découvrir ce fameux rap et hip-hop québécois qu'on n'entend pas normalement un petit peu partout dans les stations de radio commerciales. C'est pas mal seulement dans les lecteurs MP3 et les iPhones du monde. Ben c'est ça, parce que bien souvent, on va se le dire, ils passent pas par quatre chemins pour dire ce qu'ils pensent, et de censurer une toune, ça peut être beaucoup plus de bip que de... Ça y est, ça un peu, c'est ouais. Ça, exactement. Donc, j'ai décidé de vous faire un petit peu le portrait des trois artistes qui vont être là, en commençant par À la claire ensemble. À la claire ensemble, c'est pas simplement un gars, il faut le comprendre, c'est plusieurs gars ensemble qui sont originaires de Québec et qui sont originaires de Montréal aussi. Ça regroupe déjà des bands et des individus qui sont du monde du hip-hop québécois. Donc, on a par exemple Acrophone, qui est Eman et Claude Bégin, Ogden, qui est Robert Nelson, Maybe Watson, Ken Lo, Mash et Vlooper. Donc, le groupe fait aujourd'hui beaucoup parler comme étant un petit peu le style, bien évidemment, hip-hop québécois, rap québécois, mais aussi post-rigodon. Tu sais, vous allez voir, ça sonne quasiment comme quelque chose qu'on pourrait écouter au jour de l'an. Genre, ça se répète, là, exactement. Répète les mêmes paroles. Tout à fait, ça répète les mêmes paroles, mais c'est quasiment aussi à un certain moment, tu sais, je veux pas les insulter si je dis ça, mais une chanson à répondre. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est quasiment le style de chanson que tu peux... Le beat, surtout, ouais. fait beaucoup penser à ce qu'on écoutait dans le temps de Noël, dans le temps du jour de l'an. C'est accrocheur, quand même. Exactement. Dire, ouais. Et à ce jour, ils ont quand même 4 albums officiels, plusieurs mixtapes. Et hier, ils ont décidé de lancer leur nouveau vidéoclip. Et c'est la toune que je vais vous faire écouter. Ça s'appelle « Ça que c'était ». Oui. OK? C'est pas « Ça que c'était ». C'est non. Ça que c'était. Ben oui. Et si vous voulez voir le vidéoclip, allez sur la page Facebook. C'est disponible depuis hier. Et apparemment que ça pourrait gagner certains prix pour justement la direction photo qu'on y retrouve dans le vidéo. Alors voici « À la claire ensemble » et « Ça que c'était ». Huile de palmarès. Filou Purpy, ça que c'était. Amène un mojito à saveur provigo, on va se promener en bétaine. En bétaine! Oxy des plans pour des types pour la semaine. Pensez que c'est sexe, mon boy, c'est un six digits. Livré 7 chez nous, main. Bon business. Je suis le voisin à tout le monde. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Je suis le voisin à tout le monde. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Fais-moi du pain, bébé, fais les maisons. Fais les goûter, y'a pu mettre du gluten. Fais les doubler, y'a pu mettre des mitins. Bébé, fais les tripler, puis j'appelle ça du prêt. C'était pas mal, je sais que je te. C'était pas mal, je sais que je te. Est alphabétique dans le strip, un peu plus phonétique dans les scripts. Tu rentres par le B, tu passes par le C, tu finis dans le B. Tu me dis dans ton track que c'est subliminal, vu que rien que minable. Tu compètes et tu caches sur le gars qui fait des push-ups à une main sur mon royal. Une image vaut mille mots, mais les tiens, ils pèsent rien partout. Fait que dans la balance, y'a même pas 500 sous. Tu retourneras laver des planchers très bien. Un clip. Un pourboire, un conseil, reste mince. Ferme ta gueule, tailleuse, puis parle plus jamais de mon prêt. Vis ta vie de blog, de mode, cesse ton rap de gonzesse. T'as ça que dis au complet quand t'as dit que t'as fait un bon prêt. Ouais, Tania, en tout cas, hein, tes pièces sont vulgaires pas mal. C'est un petit peu la marque de commerce, en fait, d'À la Claire Ensemble. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ils sont connus pour leurs paroles qui sont un petit peu satiriques, absurdes, qui sont aussi parfois vulgaires. Salées. Salées, crues, disons-le. Tu as un tapis de plot de même, comme ça. C'est une citation, ça. Oui, c'est vrai, exactement. Entre guillemets. Oui, oui, tout à fait. C'est les paroles de la chanson que vous venez d'entendre. Ça mélange souvent l'anglais et le français, mais le français dominent la plupart du temps sur leurs albums. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous pouvez vous procurer leur album en magasin si jamais ça vous tente, mais ils mettent de l'avant leur musique de façon entièrement gratuite sur Internet pour une contribution volontaire. Donc, vous pouvez très bien vous approprier en quelque sorte leurs pièces musicales sur Internet et c'est quelque chose qu'ils veulent. Donc, faut quand même parler aussi du fait que ça joue pas nécessairement dans toutes les stations de radio, mais ils ont quand même des bonnes distinctions. Ils ont entre autres album hip-hop de l'année au Gamic 2013, album hip-hop au Gamic 2012, album hip-hop aussi au Gamic et révélation de l'année au Gamic 2011. Donc ça fait jaser. On sent aussi quand même qu'il y a une espèce d'engouement pour le rap québécois, le hip-hop québécois. Alors c'était À la Claire Ensemble. J'ai pas ça. Le band, parce que vous allez voir par la suite, ce sont des artistes, mais c'est le gros band, mettons, qui va être ici en spectacle jeudi. Oui, c'est le même gars que dans KNLO et la chanson Tabindir, Tabindir, Tabindir. Oui, exactement. Qui nous a quittés d'ailleurs cette semaine. Je regardais pour voir si on allait la faire jouer, mais ça nous a quittés. Non, ça nous a. Ouais. Ouais. Passer entre les mains comme ça. On a sauté par-dessus tantôt, en oui, fait. Oui, c'est ça. Tout à fait. On a sauté par-dessus? Oui, on a sauté par-dessus. T'as raison. Oui, je sais. Excuse-moi donc. Il n'y a aucun problème. Un des autres artistes qui va être en spectacle ici jeudi, c'est un artiste qu'on entend beaucoup parler, surtout pour la position qu'il prend envers les femmes, la défense aussi qu'il a envers les femmes. On en entend pas mal plus parler pour ça que pour sa musique dernièrement. Ouais. C'est un bien pour un mal, j'imagine. Je parle de Corias, qui en fait son vrai nom est Emmanuel Dubois. Il est né à Montréal, au Québec. C'est un artiste canadien. Lui aussi, son style évolue dans le hip-hop québécois. C'est du rap québécois. Il est considéré par la presse comme étant spécialisé comme l'une des stars québécoises montantes du hip-hop et un fer du rap québécois. Donc, ça serait un petit peu... notre nouvelle star du Québec qu'il faut absolument écouter. Et il faut dire aussi qu'il met beaucoup l'emphase sur tout ce qui est texte dans ses paroles. Vous allez voir, ça va être un style complètement différent de À la Claire Ensemble. On vient d'entendre des choses qui sont quand même crues, qui sont quand même... qui sont quand même aussi, je le disais, un petit peu absurdes, un petit peu satiriques. Avec Corias, ça va être des paroles qui sont très profondes malgré tout sur un beat, bien évidemment, hip-hop. Et ce qu'on va entendre en premier, c'est Enfant de l'asphalte. Palmarès, c'est fou, ça, dans Huile de palmarès. Oui! Ouais, après c'est là. Ah voilà. Ouais, voilà, vas-y. Avancer de 15 secondes. Exact. Ouais. T'as tout compris. Ça n'a pas paru du tout. Mais non. Mais non. Je fais la narration de ma vie par-dessus des airs de violon. Salutations, c'est coriace, live des bofons. Autour de ma tête, y'a de la neige, un désert de flocons. Mais je rentre mon crâne dans mon capuchon, puis charle le cordon. Je plains les puritains qui mènent un lifestyle de mormon. Comme celles qui prennent le gage de leur collège pour une paire de totons. Ceux qui pensent que devenir un pays c'est un vieux rêve de colon. J'irai pas tôt à l'abattoir, j'ai une tête de cochon. Je me contredis, je suis éduqué, mais j'ai pas pris le temps d'étudier. J'utilise beaucoup trop d'anglicisme sur le régulier. Tu veux que ton fils devienne un médecin ou un ingénieur? Y'arrive quoi si ton fils aime le dessin? Plein d'erreurs, un incompris qui sent comme un crétin à l'intérieur, qui pense que l'idée de son père du destin est bien meilleure. Il se fait demander pourquoi il est pas comme son frère. Il se fout les profs, il coule les poches, son école secondaire. Il joue les toughs, mais sous les corses, y'a un gars qui est pas fier. Il voudrait tellement pouvoir porter les bottes de son père. C'est pour les gens bizarres qui portent des plumes jusqu'au jock en sport-études. Ou ceux qui adorent la solitude, un soir prennent leur char et fugue. C'est pour ceux qui ont des vies monotones, qui voudraient partir loin, qui cherchent encore leur place, veulent se sentir bien. Ma sœur est partie dans l'Ouest canadien. Dans ses poches, elle a rien, pis je sais pas quand est-ce qu'elle revient. J'trouve que le monde est plate, viens t'en, on dégage. J'ai envie de faire du pouce de Québec à Montréal. Pour ceux qui prennent la route seul avec un backpack, la tête dans les étoiles, les deux pieds sur l'asphalte. J'trouve que le monde est plate, viens t'en, on dégage. J'ai envie de faire du pouce de Québec à Montréal. Pour ceux qui prennent la route seul avec un backpack, la tête dans les étoiles, j'suis un enfant de l'asphalte. Indépendance en référendum, comme un descendant de René Lévesque, je veux être un grand homme. J'ai marché des chemins sanglants qui ont taché mes Nike. C'est peu des whisky comme autant des Desperados, pis des croque-morts. Si Dieu existe, un salaud qui rit de notre sort. La rue, c'est les apparts, crado, pis les godports. Les choix de carrière, des les dadons ou escort mall. Ceux qui portent les cravates et les costards, c'est les mêmes qui font faire une balade dans un coffre de char. Je le fais encore pour ceux qui achètent des bières à l'unité. Les mères sont monoparentales, les kids sans père sont humiliés. J'suis comme un pont entre les geeks et les dollars, entre les Beatles et Mozart, entre les street et les beaux-arts. J'veux vivre de mes pauvres bars, mais ma vie c'est pas la grosse classe. J'veux juste pas me lever pour me dire qu'il est trop tard. Dormir sur le trottoir toutes les nuits comme un clochard, comme pris dans un cauchemar, à freeze comme au pôle Nord. C'est pour ceux qui crèvent pis qui marchent dans la braise, jusqu'aux Esquimaux qui gèlent avec la face dans la neige. J'me lève comme un peuple après 100 ans de massacre, pis j'fais entendre ma voix pour les enfants de l'asphalte. J'trouve que le monde est plate, viens dans, on dégage. J'ai envie faire du pouce de Québec à Montréal. Pour ceux qui prennent la route seul avec un backpack, la tête dans les étoiles, les deux pieds sur l'asphalte. L'asphalte. Le monde est plat, viens t'en, on dégage. J'ai envie de faire du pouce de Québec à Montréal. Pour ceux qui prennent la route seul avec un backpack, la tête dans les étoiles, je suis un enfant de l'asphalte. L'asphalte. You think I'm far, but I'm so close. Gone in the evening, back here tomorrow. I don't need to cause you no pain. Baby, I'll be back on that plane. I can't wait to see you. Baby, I miss you. Est-ce que je suis parti ça? No shit. Ouais. J'aimais mon old shit, mais. C'est mon old shit. C'est mon old shit, pis. Yeah, pis c'est moins bon que mon nouveau shit. R.I.P. R.I.P. à mes, je vais plus dire ciao. Deux gars à me dire que je voulais tuer nobody. Pow, pow. Vieux, deux gars, t'es mort. Ok, now you're dead. Avant qu'il prenne, prenne sa revanche, pis une crise, une body. Comment qu'on bouge? How we move? Back and forth, j'suis un nugget comme ça. Mais là, va bien falloir que j'dis. Que j'dis, boy. T'as un hit, gotta fix, boy. J'dis, ça fait un Christ. D'où faudrait que j'dis, boy. Change un peu de chili. J'ai d'autres nuggets, j'ai d'autres miss. C'est pas dans ta tête, chicken, là, j'prends la banque, je reviens. J'ai get the fuck out, c'est officiel. Stop, so tough, fallait que j'm'en retiens. Go back, go back. Nugga, faut que j'parle par là-bas comme what's next. Incarnate, be honest. Qui fait des choses qui promettent. Just start up from the bottom. Dernière fois que j'ai checké, j'd'encore là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Ils ont craché en l'air sans fucking umbrella. Yeah. Ella, venait mon nugget, montre-moi les bails, photo non, j'étais là. Bandrella, Christmas dedans, goddammit, container. Coudon maintenant, peut-être en mouvant quand on sera tanné, on vient. Baby, t'y cabine sans baby, yeah, j'suis on my way. Parti jusqu'en January, I'm on my way. Baby, j'm'en veux chier pour baby, yeah, j'suis on my way. Maman aussi, mais sans baby, yeah, I'm on my way. Now you don't type a nigga, man. J'suis parti till November, je sais pas, man. Le boy essaye de catch up, mais j'suis déjà loin. Parti pour mieux revenir, mon nigga, man. Mouvement, mouvement, fin de la journée, j'ditch tout le monde. Some the fucking dans le coup, moi que j'ai check back, we wait too long. Temps de faire mes propres moves, lorsque le pivot, mon nigga push. Arrête de niaiser dans un, mon nigga shoot. Quoi qu'il s'en vient, là, je m'en venir back home dans deux jours. Aïe, aïe, je pense, je préfère back it down que de marcher dans mes vieux shoes. Can't wait to see you, babe, I miss you. Time is flying, j'ai déjà dit ça. Je pense c'est pas, c'est been there, mon Chris. Mais what's next, nigga, je sais pas si je suis ready for this song. Yes, son. Wait, non, presque, mais chaque step of the line, fais juste pour reste perché comme Chris qui fait là, comme Chris. Yeah, Chris, vive shit le temps que je puisse. Run, run, j'entends le clic. Gotta get shit done avant que je plisse. Qu'est-ce qu'ils ont fait de y'ont craché en l'air sans fucking umbrella. Head of a night, mon wigga, montre-moi les boys photos, non, j'te là. I done it, avec tout le fuck que j'puisse donner. Now let's the back and move on. Puis quand j'suis tanné, mon fenny, nigga, j'suis gone. Baby, t'y cabine sans baby, yeah, j'suis on my way. Parti jusqu'en January, I'm on my way. Baby, j'm'en veux shit pour baby. Yeah, she's on my way. Mama, I'm sleeping so baby. Girl, I'm on my way home. We go in. We go in on fire. We go in. We go in home. We go in. We go in on fire. We go in. Brown, Parapluie. Brown, en fait, c'est un duo, il faut le dire. Vous avez entendu une voix francophone, vous avez entendu une voix anglophone. Pourtant, ce sont deux frères qui découlent de la même famille, qui découlent du même sang. Juste le même père, mais pas la même mère. Mais en fait, ils ont décidé de faire cette espèce d'émergence entre le francophone et l'anglophone qui est très, très présent dans la culture québécoise présentement. Et c'est justement ce qu'ils voulaient mettre de l'avant avec leur musique. Alors, ça comprend en fait Snell Kid qui faisait partie de Dead Obies et Jam qui lui fait partie de À la claire ensemble. Ce sont deux frères qui ont décidé de justement s'unir pour tout ce qui est controverse de langage, de langue au Québec et de pouvoir justement parler de débats autour de l'identité de la culture québécoise et de la culture du rap, du hip-hop québécois aussi. Et on voit déjà quand même que le beat est un petit peu plus R&B, reggae. Tandis que Corias, tu le disais toi-même pendant qu'on en écoutait, c'est un petit peu plus générique. Ouais, ça ressemble à tout ce qui est hip-hop de Ben, tu sais, ça ressemble beaucoup à l'inspiration Eminem, petit peu le gros hip-hop que l'on connaît habituellement qui vient des États-Unis. Et à la claire ensemble, c'était un petit peu plus absurde. Donc, c'est trois types quand même de rap qui sont différents selon la mélodie, selon les paroles aussi. Et ils vont tous être présents ce jeudi, je le répète, au 10-12 de l'UQTR, donc le 24 novembre. Si vous écoutez en rediffusion, ouais, ça va peut-être être déjà passé. Exactement. Donc, ça va être ce jeudi, si jamais vous voulez aller les voir. C'est le genre de soirée qui vous attend. Que ce soit les textes, la mélodie que vous aimez, ils vont tous être présents ici pour le Stito. De tout pour tous les goûts. On pourrait aller à la claire ensemble. Ouais. Au plus, ça me tapait ses nerfs, mais après l'avoir entendu quelques fois, je fais comme, c'est un petit quelque chose de charmant quand mais même. C'est justement cet aspect un petit peu plus humoristique et qui vient rejoindre peut-être une clientèle plus jeune aussi. Tu sais, moi, je me souviens, j'ai vieilli avec justement Eminem. Mon frère trippait sur Eminem aussi. Alors, cette fameuse connexion-là avec Corias est peut-être plus grande pour moi qu'à La Claire Ensemble, qui est un petit peu plus... humoristique, ouais. Ouais, c'est ça, différent totalement, c'est un rap qui est complètement différent, mais bon, vous allez en avoir pour ce que votre vous recherchez, argent. C'est ça, pour votre pas argent, en fait. On va non, dire. Mais tout simplement pour vos goûts musicaux envers le rap ou le hip-hop québécois ce jeudi, et j'ai le goût qu'on attends ferme. Un peu, je m'excuse de te corriger avant, je viens de faire un gag, c'est pas l'argent, ça coûte quelque chose, oui. 20$ pour les étudiants, 25$ pour les non-étudiants, sur le pointdevente.com. C'est là que vous procurez vos billets. Et si vous y allez tout de suite, là? Comme là, là puis avant jeudi, je sais que si vous achetez et réservez votre billet comme là, là, mm-hmm. vous avez une bière gratuite oh, en okay, arrivant bon. Pour le show. Ça change tout. Tout à fait. On a un cadeau pour les auditeurs, c'est-à-dire une autre pièce. Oui, ça va être une pièce que vous avez déjà entendue dans un de nos blocs publicitaires. Mm-hmm. C'est Blacklight de Corias. Donc, t'aimes ça, ça? Ah, oh, on la reconnaît déjà? Ah ouais, c'est Huile de Palmarès! Non, il est pas marrant, c'est fou. Bonne écoute. Oh. Yeah. J'étais sous les black lights quelque part dans un party downtown. J'étais à l'écart de tous mes amis d'enfance, chasing dreams, essayant de toucher mes rêves sans même avoir un oreiller où je pouvais me coucher la tête. J'étais dans une autre vie, dans un autre monde, dans une autre ville, un autre lit avec une autre blonde. J'étais entassé dans un trou, cassé comme un clou avec à peine un billet de vin qui traîne pour aller prendre un coup. J'étais sous, fini, couché dans les toilettes du bar, les pensées black comme McGillis parce que je croyais du noir, avec les jobs qui se font rares pis le loyer qui part. J'avais pas les moyens de faire avec les moyens du bar. Puis j'étais loin du but, je m'étais fixé way back. Alors où j'allais te rejoindre pour aller glisser dans le parc. J'étais à quelque part en train de me saouler that night, pendant que tu cherchais ta vie en dessous des black lights. La tête dans un nuage de smoke, pendant que tu faisais du slalom dans un bag de coke. J'étais dans mon appart, je remplissais des pages de quotes, mais devant la glace, je regardais la face d'un autre. T'étais sur le bord de la noyade avec le visage dans l'eau, pendant que je calais des labattes dans le bag d'un show. J'étais un enfant de l'asphalte pris dans un appart de banlieue, quand tu faisais ton baby shower dans un after hour. J'étais loin des jours de classe puis des corridors, perdant mon âme dans le floss puis le money talk. J'étais loin du corps et de sort dans un shot de phare. L'amour est mort, on party hard dans un corbillard. J'ai des mémoires de toi qui auprès des ballons poire. Maintenant c'est juste le vent qui souffle sur ta balançoire. J'étais quelque part en train de me saouler that night, pendant que tu cherchais ta vie en dessous des black lights. J'étais dans un bus ou un métro, dans un char, sur un vélo, dans un bloc ou un ghetto. Je prenais des puffs sur un mégot, les menottes comme un étau pour une job que je voulais choke. Je mélangeais le scotch et les verres d'eau sur la brosse quand je me levais tôt pour un boss pis un payroll. Je voulais la gloire comme un héros, aller voir s'il y a de l'or quelque part over the rainbow. Notre enfance qui meurt sous les bombes, dans la peur et les pleurs et la honte. Sur le fond, c'est ma sœur qui l'annonce, pendant que s'arrêtaient les heures sur ta montre. La tête lourde mais le cœur sur la paume. T'as jamais bloom avant les fleurs sur ta tombe. J'étais quelque part en train de me saouler that night, pendant que tu perdais ta vie en dessous des black lights. C'est les Ballons assez fous en troisième heure pour la semaine du 21 au 27 novembre 2016. Et Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, après avoir passé un bloc complet à faire du hip-hop, on monte dans notre top 5 maintenant. Oui. Oui. Du côté anglophone, la cinquième, c'est Preoccupations avec Anxiety qui est montée de la 12e place. Et du côté francophone, c'est Au-delà de Bardot qui, elle, est descendue de la 3e position. Ah, c'est pas si pire. C'est pas si pire. On va savoir si la fin de cette 3e heure, c'est au numéro 1, sont toujours en anglophone. Duchess 16 avec I Repeat Myself. Et du côté francophone, on va essayer de savoir si c'est toujours Chocolat avec En Ouin. Mais pour là, c'est Bardot avec Au-delà. Au-delà. C'est pas mal, c'est fou. Au 89 FM. Ces mondes m'appellent. urgency and unease, second guessing just about everything. Recollections of a nightmare, so cryptic and incomprehensible, incomplicity. Some astonishment. It's a blunt humiliation. Not at risk of being overconfident. Encompassing. Falling by the wayside, nowhere near to finding. Repeat Myself par Duchess 16, maintenant en quatrième place. C'est l'ancien numéro 1 anglophone de la semaine passée. Ouh, triste. Très triste. Du côté francophone, par contre, on a monté de 3 positions pour Elle me tue avec tous les chemins, Mentalum. Avant ça, en cinquième place, c'était Preoccupations en anglophone avec Anxiety qui monte de 12. Et on a commencé... De la 12, pardon. Excuse-moi. Et on a commencé tout ça avec Bardo et Au-delà qui, elle, a descendu de 2 depuis la semaine dernière. Tantôt, on verra où on va monter dépendant d'où on est rendu, mais pour l'instant, c'est le moment de retourner en arrière avec un deuxième bloc pour la journée. Voici Palmer, Rest in Peace. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis la période du 17 octobre au 13 novembre. Pourquoi tu cours? Depuis la période du 17 octobre, oui, au 13 novembre 2016, on a commencé par la semaine du 17 au 23 octobre. Exactement, avec Fudge et Lazare qui est resté au palmarès pendant 6 semaines. Les ghouls, jeu de mots facile à faire, hein, est tombé dans un coma qui a duré 6 semaines. Et tout broussé! Et Lasca est resté là pendant 5 semaines. Bad Bad Not Good, t'es pas assez good pour 8 semaines, donc ça a duré seulement 7 semaines avec In Your Eyes. Pour la semaine du 24 au 30 octobre 2016, on a commencé tout ça avec Adrien Solomon et La Nuit Tombée qui est resté là pendant simplement 4 semaines. Oui! La femme a pris une fusée pour s'enfuir de notre monde dans Où va le monde qui a duré 4 semaines. La bronze, qu'on aime tant, qui est resté là quand même pendant 5 semaines avec Manger nos cœurs, Fetal Ground. Oh, les sœurs Boulay se sont fait cloîtrer avec La moitié de toi qui dort, qui a duré 5 semaines. Mauve est resté quand même pendant vraiment très longtemps, avec sa pièce Longtemps, qui est restée là pendant 7 semaines. Crystal Castle s'est fait couler dans le ciment avec Concrete, qui a duré 5 semaines. The Packady est resté là pendant 7 semaines avec Yes, I Know. Japanese Girl s'est fait intimider et a abandonné l'argent de son dîner avec Bully For You qui a duré 7 semaines. Blue Pills et une pièce qu'on aime beaucoup, Lady in Gold, qui est restée au palmarès pendant 7 semaines. Ensuite, pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2016, Le Couleur qui est en peine d'amour avec L'Amour le jour qui a duré 5 semaines. Chocolat qui est allé faire un petit tour en voyage. Oh. Ben oui, avec Les Pyramides qui est resté là pendant 7 semaines. La bronze s'est fait couronner championne avec Roi de nous qui a duré 7 semaines. Hot Panda et j'ai pas de joke comme toi à faire là-dessus avec Bad Pop qui est resté au palmarès pendant 6 semaines. Le prochain, j'ai de la misère aussi, hein. Person est rendu persona non grata avec Mr. Howard qui a duré 7 semaines. The OCs est resté là avec leur plante en plastique avec Plastic Plant pendant 7 semaines. La semaine du 7 au 13 novembre 2016 pour terminer avec Podcast qui a foncé dans les murs avec Loup-Garou et 7 semaines. Moussette Insouciance, 7 semaines. Au palmarès. Like a Motorcycle s'est arrêté sur le bord de la route avec Into the Night qui a duré 2 semaines seulement. Et Royal Canoe est resté là pendant 7 semaines avec Somersault. Voilà, c'est tout le montage qui termine pour la semaine du qui termine pour la semaine du 7 au 13 novembre parce que Colin, j'ai monté ces montages-là pour la semaine passée puis j'étais pas là. Mm-hmm. Hein? Fait qu'à la place, on les joue cette semaine et on n'a pas les pièces de la plus récente semaine. Ben non, c'est plate, c'est comme ça. C'est... Mais la prochaine fois, on fera ceux des plus récentes semaines que vous voulez. Ben oui. Hein? Voilà. Ça veut dire qu'on est rendu quand même relativement à jour. Oui, quand même. Palmer Rest in Peace, donc espérons pouvoir continuer comme ça à tenir notre résolution de faire ce bloc-là à chaque semaine ou au moins à chaque 2 semaines. Voilà, donc les montages sont disponibles sur assemblagerequis.com. Même chose pour les pièces qu'on a entendues dans les 2 montages de l'émission d'aujourd'hui. Voilà. On est rendu au position numéro 3. Du côté anglophone, ce sera l'ancien numéro 2 qui descend de 1, Opeth avec Will of the Wisp. Et du côté francophone, eh bien, on va monter de 10 positions depuis la semaine dernière. Pour le mal, pour l'amour, pour le mieux, voici les Hey Babies. Dans les palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. Et si tu ne m'avais jamais dit que tu m'aimais, je m'aurais pris pour une fois. La dernière fois que j'ai tourné le bord au milieu d'une tournée, je me sentais si molle. En me rappelant, je me suis rappelé que tu t'inquiètes toujours malgré les noms que tu m'as donné. Donner tes deux scènes quand les miennes nous ont jamais rien. Rapporter.

the dot, dot, dot, dot, back to the top. The center of the earth, entering the entrance of a birth. Remember to remember is to enter in reverse. To the center, the center of the center of the dot and disperse. The dust in the wind to a dust in the earth. The universe is dot at the center of the person. The circle never stops from the first rock drop to forever like dot, dot, dot, dot. Tania Tegak featuring Chad avec Center qui monte de deux places en anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'était Rouge Pompier avec Mercredi. Et voilà, il nous reste seulement les numéros 1. Techniquement, on n'a pas de temps pour faire des jeux de mots. Non. Mais on va prendre le temps quand même. Ah ouais? OK. On va défoncer 30 secondes, 2 minutes. OK. Ça te dérange pas? Ben ouais, Ah ouais, wow, c'est savoureux de dépasser comme ça, comme tu voudrais avoir tout le temps un format king size, une barre de chocolat. Oui, un petit peu, ouais. Mais quand tu calcules les prix, la barre king size, en quantité, coûte beaucoup trop cher versus en acheter deux plus petites d'habitude. D'habitude, c'est comme ça, tu sais, mais ça, ça dépend d'où tu vas. C'est vrai. Ça dépend d'où tu vas. Ça dépend si tu vas là... Ou loulou, encore des loups. Ouais. Ouais, ben qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change si mes blagues sont pas drôles? Ça va juste être plus difficile à raconter après. Ah, so what, man? On s'en sacre. Là, tu vas. Moi, je vais être comme là, super fier, super viril, avoir fait des bons gags, pogné à la poche. Super viril? Hein? Quoi? C'est penser positif! Oui, ben oui! Penser positif! Je vais pouvoir me pogner à la poche. Traduis-nous ces gags-là, c'est un peu de très mauvais goût. Oh my God! Bien, j'ai commencé moi-même en disant « en ouin », parce que le titre de la pièce qu'on va entendre, c'est « en ouin ». On a parlé de grandeur et de grosseur, de king size, de barre de chocolat, pas le pack à Mathieu, ne vous inquiétez pas, de barre de chocolat. Puis ça dépend où tu la prends, hein? Là, c'est parce que l'album s'est rencontré low. Ou loulou, on sait pas encore, de l'artiste Chocolat. Mm-hmm. Du côté anglophone, so what? Pas grave, parce que la pièce est so what? Mathieu, tu vas te trimballer dans ta main avec ton ton engin. J'ai fait des gags de sac les autres semaines, mais c'est comme ça fait 3-4 fois qu'ils sont au sommet, fait qu'à un moment donné, je suis rendu à faire des jokes de poche. Ouais, pas choix, on a pas choix. C'est le band Pack AD avec l'album Positive Thinking, parce que tu vas avoir une pensée positive, Mathieu. Pour ma poche. Et voilà. C'est tout pour ça. On va entendre donc les positions numéro 1. Est-ce que tu nous quittes entre-temps, Tania? Est-ce que t'es pressé? Non, c'est bon, je peux rester. Good. Donc, on écoute le numéro 1 tout de suite. En anglophone de Pack AD et So What, mais tout de suite, voici Chocolat et Ah ouais! Bah, c'est fou! Sur les ondes de 89 FM! position. C'est fou, la semaine du 21 au 27 novembre 2016. On vient entendre de Pac 80 avec So What qui monte de 2 sur l'album Positive Thinking. Et du côté francophone, eh bien, pour la deuxième semaine consécutive, c'est Ah ouais, de chocolat. Sais-tu que se termine notre émission pour cette semaine du 21 au 27 novembre? On va se retrouver la semaine prochaine, toujours en direct, les mardis entre 14h et 17h. Plus tard, sur nos ondes, c'est réanimation à 19h avec le Dr Pendragon et du métal et de l'horreur. On repasse les vendredis soirs à 17h. Après nous, c'est aussi réanimation, suivi de matière noire dans les deux cas. Et finalement, les samedis entre midi et 15h. Restez là pour Tania qui va vous entretenir ça avec En Piste avec Tania Baudin. Oui. Juste après, à partir de 15h. Sifu.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée. C'est la plus jeune du groupe. Qui était une nouvelle entrée la semaine dernière en 12e place anglophone. C'est Bicycle de Royal Canoe. Bon, ben on monte là-dessus, puis pédale. Ah ouais? Non, ouais! À la prochaine, merci Tania! Et merci Mathieu! Bye! Bye!